بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد قد انتهينا من الدرس المفعول به عندك يا محمد on a vu une règle également au niveau des verbes et du sujet. Si je te dis par exemple, les élèves sont sortis puis ils sont partis. Comment tu vas composer cette phrase ? خرج الطلاب ثم ذهبوا. خرج الطلاب و وذهبوا. وذهبوا. طيب. ثم il y a pas de mal mais وذهبوا. طيب. La même chose en utilisant le verbe lire et écrire. Tu diras قرأ الطلاب وكتب. وكتب. Très bien. Manger et boire. Très bien, barakallahu fik. Hier, j'ai donné une faïda. Comment reconnaître le damir s'il est fa'al ou s'il est maf'ul bi? Si on l'utilise au madhi, hein, taban. Si, pour savoir si le damir est fa'al, la dernière lettre du verbe sera celui aura un sukun. Un sukun. Mithal. Darabtu. Darabtu. Ça, c'est le tout là, le damir, il est fa'al. Non. Après, du Muhammadan et maf'ul bi. Taïb. La dernière lettre du verbe, ce sera une fatha pour que le damir soit exemple. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah hein? Donc, si on récite le verbe, là, par exemple, on dit quoi? Darabtu, darabta, darabti, darabtum, ilakhir. On verra quoi? La dernière lettre du verbe, elle a une seconde. Mais ça vous permet de quoi? On a dit, même s'il n'y avait pas le tashkil, le mot d'après, il t'aidera à savoir quoi? Si le damir, il est sujet ou c'est-à-dire fa'al ou maf'ul bi. Par exemple, devant nous, on a haddathana. Hein? C'est pas écrit, mais d'après, on a quoi? Abu Huraira. Automatiquement, le damir ici, ce sera quoi? Comment? Taïb. Avec nous, Athmana. C'est bon, pas avec nous. Taïb. On a le verbe haddathana. Et derrière, il y a Abu Huraira. Et naam. Ouais, bon. Ça sert à rien. Taïb, on a Abu Huraira et on a le verbe. Automatiquement. Mef'ul bi. Pourquoi derrière ce qui vient? Il est fa'al. Comme ça. Haddathana Abu Huraira. Mefhoum hada, Inch'Allah? Taïb. Et si on avait Muhammadan? Salam. Comment? T'as pas compris ce que je demandais à Taïb. Le dars d'hier, t'étais là? Ah, t'étais pas, c'est pour ça. T'as, si c'était Muhammadan? Si c'était Muhammadan, c'est-à-dire que. Ah, c'est que. Ça veut dire que c'est moi qui rapporte. Voilà, c'est-à-dire que tu vas dire quoi? Hadathtu. Ou hadathna Muhammadan. Mais faut madan, Inch'Allah? Barakallahu fik. Le mef'ul bi, ça peut être un damir? Mef'ul bi? Ouais. C'est-à-dire un ism sarih ou dhamir. Comment on dit manger? Ekala. Laver. Assala. Lire. Qara'a. Écrire. Ketaba. Frapper. Daraba. Tuer. Qatala. Rentrer. Dakhala. Sortir. Kharaja. Apprendre. Hafida. Boire. Comprendre. Et entendre. Non. Raisin. L'inaba. Pourquoi l'inaba? L'inaba. Pourquoi l'inaba? Inabu, inaba, inabi, qu'est-ce que l'inaba? L'inaba. L'inaba. Tu veux dire quoi là? Inaboun. Inaboun ou l'inab? L'inaba. L'as, le mot il est quoi? Marfou. Le fond, quand tu prononces un mot, il est quoi? Avec la alamat? T'as la banane? La figue, l'aube, réponse avec le pluriel, si un pluriel, ajoubatoul, taïb, serpent, hayatoul, question, très bien, marchand ou épicier. Très bien. Le bâton. Al-Asa. Pas Asa, yo. Al-Asa. Taïb. Après les verbes, on les a déjà traduits. Bismillah. On avait lu le texte, hein? طيب بسم الله التمرين الثالث هذا الاكسرسيس غران 3 اجب عن الاسئله الاتيه هذه الاسئله ليست مبنيه على الدرس السادس il te dit quoi réponds aux questions suivantes et entre parenthèses il te dit que ces questions elles ont quoi elles ont aucun rapport avec la leçon 6 le fond هذا c'est moi je pose une question inchallah et vous répondez ذهبت الى المدرسه اليوم نعم متى رجعت من المدرسة؟ رجعت بعد نص ساعة. نعم. أي سورة سورتين قرأت بعد صلاة الفجر؟ سو سيفان إخ. قرأت سورة النساء. نعم. أبخي سيكولا. أي سورة حفظت هذا الأسبوع؟ Enchaînez les frères, moi c'est pour vous que je fais ça. Hein? Hafitou. T'es Abilma il barid. C'est qui là? On parle? T'es Abilma il barid rasilta, rasilta wajhaka, am bilma el har. Non, baridi, bilba. طيب طيب من غسل قميصك ومنديلك اختي نعم très bien أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل أنث شيء ما معنى أنث نعم طيب rendre la chose au féminin alors on a quoi أشربت الشاي يا حامد أشربت الشاي يا سعاد طيب أكتبت الدرس يا علي صاغتي و أكتبت الدرس يا très bien أغسلت وجهك يا أخي أغسلت وجهك يا أختي وجهك يا أختي très bien أي سورة حفظت يا بني أي سورة أي سورة حفظت Très bien. Afaim ta dars le jadid, ya Hashim. Afaim ta dars le jadid, ya Fatima, naam. Aïna dahabta ba'da dars, ya akhi. Très bien, mashallah. Non. Comment? On l'a pas traduit ce mot-là, l'ouaj? طيب الفيزاج طيب أغسلت وجهك يا أخي الفيزاج وجه الكاف ضمير غنصك أضبط الضمير بالشاك في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية طيب تدمون دفاق قوى بارك الله فيكم de bien mettre les terminaisons dans les verbes mentionnés الواردة dans les phrases suivantes on a أنا on dira quoi عبد الكريم أنا ذهبت إلى المطار إلى المطار c'est quoi المطار L'aéroport, n'aim. Après, à toi. Adhabta ila al-mal'abi ya Youssouf. Pourquoi t'as pas dit adhabti? C'est quoi que t'as permis de dire? Youssouf. Très bien, mashallah. C'est-à-dire, al-qarina, l'indice ici, c'est Youssouf. Taïb, adhabta ila al-mal'ab ya Youssouf. Andek? Urti dahabat ila al-mustashfa. Très bien, mashallah. Adhabti ila al-maktabati ya Fatima. Très bien. Adhabti ila al-maktabati ya Fatima. 36. Ta'ammal ma yali. Taïb. Ça, alhamdulillah, on avait fait avant même de commencer la conjugaison du verbe taïb. On a dahabat. Liman hada ya Abdel Majid. Non. Ouais, mais quel type de féminin? Dual. Hada. C'est-à-dire en arabe? Non, ouais, mais comment on dit féminin, singulier, tout ça? Moufarad. Non. طيب مفرد مؤنث فمثنى مؤنث نعم تجي مثنى نعم طيب ذهبت لمن ذهبت ايه مفرد مذكر طيب ايه لي بريزون ولي نون بريزون ذهبت مخاطب نعم لا بيرسون اي فاس ا توا ذهبتي مخاطب très bien ذهبت متكلم مذكر مفرد سي تو متكلم مذكر مؤنث طيب ذهبت مفرد مؤنث او مذكر طيب ان شاء الله تامل المثالين الاتيين افهمت الدرس يا علي نعم فهمته مفهوم هذا أفهمت الدرس يا علي لا ما فهمته أما فهمت الدرس يا علي بلى فهمته طيب نعم ما فهمته إن شاء الله سأسخفت بكوة طيب سأجير نعم سأكوريسبون سي لا ريبونس سوى بوزيتيف هو نيجاتيف طيب إن شاء الله زي كمبري سا النعم إما تثبت أو ما تنفي أفهمت الدرس؟ نعم فهمته أفهمت الدرس؟ لا ما فهمته مفهوم هذا؟ أما بلا ماذا قلنا؟ تختص بالنفي سبيسيالمون بوركوا لا نيغاسيون سا انلف كوا؟ إبطال سيدير كوا؟ سا انلف لا نيغاسيون دافون مفهوم؟ سيدير سي تو مي بلا تو ديرا وي سيرج جي كومبري مفهوم هذا؟ مي سي تو مي نعم كيس كون ا دي؟ تو كونفيرم لا نيغاسيون Inch'Allah, tout le monde a compris là. Hein? Mohamed, si tout le monde c'est clair, non. T'as pas parle plus fort. Parce que tu dis. Elle est. ألا فهمت؟ الله أعلم هذا. ألا فهم؟ لا فهمت؟ لا سأجيب. لا سأجيب. Pourquoi ça se dit pas déjà? Qui peut répondre? Qu'est-ce qu'on a dit sur là? Là, on a dit que le là s'il rentre dans le fi'l madi, il faut le répéter. Et hatta fi rakaka, c'est pas éloquent. ألا فهمت؟ Vous comprenez? ألا. Vous comprenez? طيب après la règle c'est quoi on a dit elle la النافية إذا دخلت على الماضي وجب التكرار مفهوم c'est compris ça أما فهمت الدرس طيب الهمزة هنا استفهامية والما également طيب tout le monde a compris inshallah la différence entre نعم et بلا طيب toi t'as juste à apprendre ça que بلا تختص بالنفي et ça permet de quoi de d'enlever la négation Voilà, si tu as compris ça, alhamdoulilah, c'est facile. طيب. هاتي أسئلة مناسب للأجوبة الآتية. Il te demande de ramener des questions. طيب. Qui convient aux réponses. طيب. On a quoi là ? نعم شربتو. On s'arrêtait où ? تفضل. Si je te... Par exemple, là, on a نعم شربتو, tu diras quoi ? نعم. MashaAllah, c'est bien. أشربت الشاي يا علي نعم شربته أشربت الشاي يا فاطمة نعم شربته مفهوم هذا إن شاء الله لون على ريبونس نعم كتبت on dira quoi أكتبت درس يا كريم أكتبت درس يا كريم طيب بارك الله فيك طيب sinon tu aurais dû dire pas comme le frère Ayman sauf tu lui mettais un nouveau verbe c'est à dire كتبت ici Ça peut être féminin ou masculin. Et le fait qu'il y ait na'am, il n'y a pas de mal. Me forme que tu dises quoi Vous avez compris C'est-à-dire là, tu aurais pu faire comme Ayman. C'est-à-dire ça, le katabtu, ça peut correspondre féminin ou masculin. Me forme Bala ra'aytuhu. Ara'ayta Muhammadan ya Ali. Ama ra'ayta Muhammadan ya Ali. Très bien, mashallah. Ama ra'ayta Muhammad, bala ra'aytuhu. Également, on aurait pu dire quoi Ama ra'ayti Fatima. Ah, ou Mohamed, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire la personne qui est vue, ça peut être masculin, taïb ou féminin. Mais également, la question, elle est quoi? Masculin ou féminin? Là, la personne qui est vue, elle est obligée d'être quoi? Masculin, parce qu'on a le damir qui est où? Taïb. Mais c'est surtout la personne à qui on pose la question. Et le damir ici, c'est ra'aytu hu. Mais Foumada, vas-y, répète à Bilal Eden. Très bien, barakallahu fik. La deuxième, c'est quoi? Na'am ma qara'tu hadha al-kitab fi baladi. Fi baladika, très bien, mashallah. Et si tu as dit na'am, c'est que tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Et la réponse? Non, le fait, cette réponse-là, par rapport à ta question, tu l'as lu le livre ou tu l'as pas lu? Voilà, le fait d'avoir dit na'am, ma qara'tu. Ahsan, barakallahu fik. Après, on a quoi? Bala sami'tu l'adhan. Ce sera quoi la question? Très bien. Ama sami'tu l'adhan, ya Muhammad, bala sami'tu l'adhan. Et si on ne voulait pas mettre l'adhan, on aurait mis quoi à sa place? Hein? Sami'tuhu. Non. La ma sami'tu l'adhan, on dira. J'ai pas bien entendu le début. Aussi le ton, frère. Asamirti al-adhan ya Fatima. Asamirti taïb. Naam. Et après? Adarabta hada al-waladu. Walada. Naam. Mais c'est mieux qu'il hausse le ton comme ça. Moi, je. Asamirti, t'as dit une fois. Taïb. Ah ouais, Asamirti, y'a pas de mal. Taïb. S'il y a plusieurs, c'est-à-dire réponses, donnez-les, les frères. Vas-y, toi, Dal. La ma darabtu hada al-walad, tu diras. Adarabta hada al-walad. Naam. Adarabta hada al-walad. Ou adarabti hada al-walad. Taïb. La ma darabtu hada al-walad. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Taïb. Iqra al-amthila, thumma ajib ani al-as'ila al-atiya, musta'minan al-dhamair. Il te dit, iqra al-amthila, lis les exemples. Comment? Personne n'a parlé? Un bruit. اقرا الامثله ثم اجب عن الاسئله طيب lis les phrases puis réponds aux questions suivantes en utilisant quoi les pronoms who on a dit quoi mufrad mudhakkar ghaib on réellement traduit ça veut dire masculin singulier non présent whom jam' mudhakkar ghaib pluriel masculin non présent ha mufrad muannath ghaiba singulier féminin non présente hunna muannath jam' ghaib mfoum pluriel féminin non présent tayeb inchallah barakallahu fikoum et tous ces dhamair quelle place ils auront ya wahbi fi l'i'rab fa'il exemple vas-y un exemple menouhou par exemple fa'il c'est-à-dire le fa'il c'est quoi le fa'il pour que tout le monde comprenne. C'est celui qui fait l'action. T'as un exemple avec vous? Karim, laisse la main. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal, corrige-toi alors. Mef'oul bi ahsant. Taïb, les dhamair que vous avez devant vous, ils sont quoi? Mef'oul bi. مفهوم؟ الله يبارك فيك. طيب. طيب. أرأيت حامدا؟ نعم رأيته. أرأيت حامدا وهشاما وعليا؟ نعم رأيتهم. أرأيت زينب؟ نعم رأيتها. أرأيت زينب وآمنة وسعاد؟ نعم رأيتهن. إن شاء الله تمام. داكم خيسا. طيب. ساكيد لي لا؟ طيب. أرأيت الطلاب الطلاب الجدد تجا؟ نعم رأيتهم. très bien ما شاء الله. après c'est qui ça؟ طيب. أرأيت المديرة وأختها وبنتها؟ نعم رأيتهم. c'est bien. أرأيت المدرسة؟ نعم رأيتهم. c'est bien. أين رأيت أختك مريم؟ رأيتها. طيب أرأيت سيارة المدير؟ سيبيا ما شاء الله. أين رأيت الأطباء يا علي؟ رأيتهم في المستشفى. خبيا. متى رأيت المدير يا يونس؟ رأيته بالأمس. طيب أرأيت آمنة وخديجة وبريرة؟ نعم أرأيتهم. أرأيتهم لا با أرأيت توا تا جوست رأيت هذا. نعم. طيب j'aurais pu dire Araïta, il y a Kamel ici ? Non, quoi ? Non, moi. Je serais venu vers toi là. Je te dis Araïta Amina. Moi j'ai dit Araïti Amina wa Khadija wa Barira. J'aurais pu dire Araïta ? Ah, kada, ahsant. Tayeb. Tfaddal. متصلة نعم لا لا لا لا سكون بابا لا سينون par exemple هم y a pas de mal il peut être مبتدأ هم مسلمون طيب سينون لا سكون سكون اتجي لا سي مفعول بي طيب سينون par exemple هم أو هن ça peut être un مبتدأ هم مسلمون هن مسلمات مفهوم أما le هو comme ça peut être que مفعول بي tu peux pas arriver tu dis هو هكذا أو تعرف تدي ها هكذا لا كاش كون ديرا هي أو هو مفهوم هذا اي نعم اي المتصل كم سلولا وانا اللي مفعول به اي نعم سلولا كم سلا وشو كي يدون توا متصل نعم هذا المتصل نعم أما المفصل سيكون مبتدأ مفهوم لا après il y a une divergence dans ça sur le Uthaymeen rahimahullah c'est il prenait le madhhab le plus simple par exemple il y en a il va dire par exemple Zaydoun qama certains disent Zaydoun fa'al qama fi'l mfhoum ça c'est en arabe ولكن il dit Zaydoun mubtada qama ils vont dire quoi fi'l madi ayn al fa'il dhamir mustatir huwa wal jumla khabar mfhoum hada barakallahu fik طيب On va s'arrêter là, taïb, inshallah. Comme ça, vous révisez bien les damaïr, tout ça. Et après, demain, on fera toute la leçon entière, inshallah. Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum.